Le journal népalais Arfan a inséré le 26 mai une note du président de l'Association des journalistes népalais concernant le tir expérimental de l'engin balistique stratégique de longue et moyenne portée Sol-Sol Bukusong 2 de la Corée. L'auteur a écrit « Bouleversé par la réussite coréenne au dernier tir expérimental, non seulement les États-Unis et leurs forces suivistes, mais aussi l'ONU trompent l'opinion publique pour déshonorer la Corée. Les États-Unis doivent corriger leur politique erronée envers la Corée et ne plus menacer ou provoquer la Corée. »